C'était le marché des joueurs autonomes qui était là dimanche, évidemment. On ne s'attendait pas à grand-chose du côté du Canadien, mais c'est. On va en parler avec notre collaborateur Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, je m'attendais pas à grand-chose, mais de là ramener Thomas Plekanec. Puis je sais ce que tu vas me dire, il coûte pas cher, il y a des avantages numériques, c'est bon dans la chambre, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, faut que tu passes à d'autres choses. Ouais, mais tu sais, Danny, t'as 100% raison. Pour moi, le Plekanec, c'est pas la solution là, au problème du Canadien. Sauf que dans les circonstances, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Tu sais, quand t'as pas quand t'as pas de joueurs, quand t'es les gros canons intéressants, là, sont pas intéressés à venir à Montréal, puis que tu te retrouves avec pratiquement rien, tu sais, c'est fou. Tu penses qu'il y a 31 équipes dans la Ligue nationale présentement, là? Bon, mais il y a 31 équipes qui courent après le même lièvre, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas le couper en 31 lièvres, là. Il va à une place. Fait que, autant que les Canadiens sont déçus de ne pas réussir à signer les joueurs qu'ils aimeraient, autant que 98% des autres équipes aussi, là, ils sont déçus de ne pas avoir réussi à signer ces joueurs-là. Alors, qu'est-ce que le Canadien doit faire, Danny, là? Ils doivent reconstruire, puis ça, on le sait. Ben oui, il y a Les fait longtemps qu'on dit. Maple Leafs de Toronto, là, John Tavares ne serait pas allé là, il y a 5 ans. Ben Marc Bergevin l'a dit, puis c'est un bon point, ça. non. Il ne sera pas allé. Quand tu as une équipe qui n'est pas performante, qui n'a pas d'aspiration à gagner la Coupe Stanley, là, un gros joueur, il n'ira pas là, là. Ben non. Alors, il faut que tu reviennes à la base, il faut que tu reconstruises ton équipe. Après ça, là, tu vas être capable d'attirer des joueurs qui vont vouloir venir compléter ce bon noyau-là que tu as pour justement amener ton équipe à un autre niveau. Mais le Canadien est loin de ça, là. Il est très, très loin de ça. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là? Le bobo, Danny, c'est passé avant ça, là. Ben oui. Là, ça ne sert à rien. Si on fait quoi, ça va être pour boucher des trous, là. Ben ça va être pour boucher les trous, effectivement. Et puis moi, je l'ai dit, ça fait au moins 5, ça fait. Écoute, ça fait au moins 5-6 ans qu'il aurait dû faire ça. Tu sais, t'as qu'à faire les séries par la peau des fesses tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es aussi bien de vider, pas vider le club, mais au moins finir dans les bas-fonds pour être des sérieux aspirants à la Coupe Stanley. Parce que là, au centre, ça fait longtemps qu'on parlait qu'au centre, on avait une carence. Sauf que là, les deux derniers choix repêchage, semble-t-il, vont venir pallier cette carence-là. Mais tu sais, j'espère qu'à partir de maintenant, on va axer beaucoup sur le développement des joueurs, là. Le recrutement et le Oui. développement, c'est la base, c'est pas le marché des autonomes, là. Oui, puis je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a eu des défaillances d'année parce que, en principe, là, le Canadien, là, dans le choix de repêchage qu'ils ont fait dans le passé, là, il était sûr qu'il était correct au centre. Parce que quand ils ont drafté un McCarron, ils s'attendaient à ce que McCarron rentre peut-être un troisième centre, peut-être potentiel deuxième centre éventuellement. Parce que je vais te dire une chose, moi j'avais vu jouer à Coupe Memorial ici à Québec là, en 2015, là. Et c'était de loin le meilleur joueur du tournoi, c'est le meilleur joueur sur la glace, le McCarron, avec son équipe il était à Windsor, je pense. C'était vraiment, vraiment, tu sais, là, il y avait de l'espoir là dans son gars. Puis avec Galchenyuk, tu pensais aussi l'avoir trouvé ton centre. Mais Caroline, les joueurs ne se sont pas développés aux espérances de l'équipe. On aurait espéré justement que Galchenyuk soit un premier centre à l'heure qu'on se parle. On aimerait aimer ça que McCarron soit un deuxième centre, que Plekanec ait fait la job. Tu comprends-tu? Alors, il y a eu une défaillance soit dans le repêchage ou dans le développement des joueurs parce que ces joueurs-là, sur qui on comptait pour vraiment ramener l'équipe, de redévelopper ton équipe, ça l'a plafonné puis ça l'a pas développé. Alors, et le bobo, il est là. Ben, c'est clair. Mais dans le cas de McCarron, je n'ai pas perdu espoir. C'est drôle, hein? C'est sûr que j'ai pas grand espoir, mais j'ai pas totalement perdu espoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un gros joueur comme de sa stature, c'est long à développer, là. C'est long, mais Danny, si tu l'avais vu jouer junior, là, tu te serais dit, c'est sûr que d'ici 2 ans, 3 ans, il est dans les joueurs, il va dans les joueurs importants chez le Canadien. Honnêtement, là, c'est sûr que à grosseur qu'il avait junior, il était plus gros que tout le monde, plus fort que tout le monde. Fait que quand il frappait, qu'il patinait, il était vraiment dominant junior, là. On aurait pensé qu'il aurait pu être plus dominant que ça, rendu dans la Ligue nationale. Mais ça tarde à. Mais tu sais, est-ce qu'il y a eu un mauvais développement? Moi, si je suis content pour une chose à Laval, puis je veux pas discréditer Non, non. Sylvain Lefebvre et les gens qui étaient là avant, Mais un gars comme Joël Bouchard, là, tu t'en vas dans la bonne track avec un gars comme ça quand tu amènes un gros développement des joueurs dans les mineurs. Alors, il faut. Tu sais, le bobo, il est plus gros qu'on le pense. Là. La cicatrice est plus profonde et c'est sûr que ça va prendre plus de temps à s'en sortir du côté du Canadien. OK. Dis-moi maintenant, si on parlait un peu de. Mais souvent, c'est l'aspect aussi psychologie. Un joueur rentre beaucoup dans. Quand il est retourné dans les ligues mineures. Souvent, il est, comment dirais-je, il est débâti un peu. C'est là l'importance de l'entraîneur de travailler à le rebâtir. Là. Ben, c'est comme on dit souvent, hein, il y a un vieux cliché qui dit que dans le sport, et spécialement dans le hockey, ça se passe 75% dans ta tête. Ouais. Alors, c'est sûr et certain que si tu n'as pas le caractère, tu n'as pas... la force mentale nécessaire pour être capable de passer à travers des épreuves comme on vit, de se faire un exemple envoyé dans les mineurs ou ne pas jouer à la hauteur que tu aimerais, moins de temps de glace et tout ça. Il faut que tu sois fait fort mentalement, spécialement à Montréal, où ce que la pression est beaucoup plus forte. Alors, si tu réussis pas à passer à travers ça, mais peut-être que justement, tu vas plafonner au lieu de t'envoler et d'avoir une belle carrière. Alors, c'est plus que d'avoir du talent là, que d'atteindre la Ligue nationale. Ça, il y a une partie au-delà de ça qui est mentale. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui réussissent pas à passer à travers cet aspect-là. Si on parlait un peu du côté du mot reconstruction, pourquoi tu penses que, Marc, tu connais... c'est-tu parce que on a peur de la vente des billets? Parce que on a joué avec les mots, on l'est en reconstruction. Arrêtons de dire qu'on n'est pas en reconstruction. On l'est en reconstruction. Ben, on ne le dit pas officiellement parce que pour les gens, Montréal, il faut savoir que c'est une situation qui est spéciale. Autant pour les joueurs, où ce que c'est pas facile parce que le côté médiatique, on est quand même dans la c'est l'équipe d'hockey qui représente la Ligue nationale, c'est le Canadien de Montréal. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a une pression pour les joueurs, mais il y a également une pression pour les coachs, directeurs gérants, propriétaires et tout. Eux autres, là, ils ont à répondre à beaucoup de plaintes. Hein. On a beaucoup de gérants d'estrade à Montréal, des gens qui sont jamais satisfaits du travail accompli, puis qu'ils vont chialer jusqu'à temps qu'on soulève le trophée. Puis la journée qu'on soulève le trophée, c'est des héros, c'est sont fins, sont beaux, sont grands, sont fins. Mais le lendemain, on recommence à les critiquer. Alors, c'est comme ça, Montréal, et puis on dirait qu'on a de la difficulté à se mettre dans la tête de dire qu'il faudrait passer à travers 2, 3, 4 années de vaches maigres où ce que peut-être qu'on fera pas les séries, on finirait au dernier rang, on va manger notre pain brun. Moi, ce que je peux dire, il y a du monde qui le veut. Oui, tu as raison qu'il y a du monde qui le veut, mais on les entend pas, ceux-là, Danny. Ouais. Ceux qu'on entend, c'est ceux qui veulent pas. C'est eux autres qui jappent le plus. Alors, tu sais, c'est comme ça. Et puis, ben, des fois, on a un Jeff Molson qui fait un peu d'intervention avec le staff hockey, où est-ce que tu as ton propriétaire qui veut, économiquement parlant, que ça fonctionne. Puis, tu as tes gens de hockey, eux autres qui veulent construire ton équipe. Alors, ça crée une situation qui est pas facile. Puis, comme tu dis, tu as raison qu'il y a une partie des gens qui voudraient que le Canadien reparte ça à zéro, puis qui montent. Comme les Maple Leafs ont fait, comme Pittsburgh ont fait, comme Colorado Chicago. Ont fait, comme la plupart des équipes gagnantes ont fait, c'est de finir ça. Puis là, regarde, Détroit sont en train de le faire. Là. Puis Krim, ça faisait 25 ans qu'il avait pas manqué les séries. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut que tu le fasses. Puis malheureusement, les gens qui sont en place pendant ce processus-là, ils se font tirer des roches, hein, on se le cachera pas. Mais ça prend quelqu'un pour le faire. Comme on dit, ça prend quelqu'un qui se mette la face dans le gravel. Puis présentement, ils sont dans ce processus-là, à mon avis. OK. Marc, John Tavares, moi, j'ai dit ce matin que c'est pas nécessairement la Coupe Stanley à Toronto. Ça veut pas dire nécessairement, tu sais, parce que, un, ça joue sur la glace. Mais tu regardes ça, Anderson, je sais pas, il a connu une bonne saison, mais je suis pas encore convaincu de lui. Également défensivement, c'était Jay Gardiner, Morgan Riley, mais ça prendra un autre gros défenseur, un numéro un, le genre. Ben, c'est sûr que là, rendus ce qu'ils sont là, Danny, ils n'ont pas la Coupe Stanley, mais ils s'en vont dans la bonne direction. C'est sûr qu'ils vont continuer à s'améliorer. Là. On ne se cachera pas que, comme tu as dit, ils sont là, mais ils manquent encore. T'sais, admettons qu'offensivement, là, on a réglé le cas. Là. Maintenant, ça te prend un gardien d'impact, puis peut-être justement un corps arrière à défense. Moi, j'aime beaucoup Riley à défense, mais tu sais, ça va te prendre peut-être un autre. Tu sais, comme l'Avalanche, là, il y avait tous les ingrédients quand ils ont gagné leur dernière coupe, mais il manquait un général comme Raymond Bourque qui est venu apporter le petit quelque chose qui manquait à l'Avalanche pour gagner leur Coupe Stanley. Ben, on va en être à ce point-là bientôt chez les Maple Leafs d'aller chercher. C'est un très bon point, tu viens de dire ça, de dire là, excuse. D'aller chercher un Weber, c'est sûr et certain que ça aurait un impact majeur pour justement espérer là, soulever la coupe. Il y a un fit parfait. Sauf que je pense pas que ça se fasse puisque Marc Bergevin, ça serait comme admettre son erreur. Mais tu sais, Toronto, ils ont de très bons jeunes encore. La preuve, ils ont gagné la Coupe Calder. Et le fit est parfait. T'sais, Weber contre 2-3 jeunes. Puis d'abord, ça donne quoi garder Weber et Price en étant en construction? Ben, c'est sûr et certain. Moi, bon, je suis d'accord avec ça. Puis, c'est sûr et certain que les gens qui espéreraient, mettons, qu'on échange Weber pour un joueur d'impact, oubliez ça. Non, les Maple Leafs vont pas donner un très bon joueur, c'est ça. Faut-il donner des choix de première ronde, puis peut-être des jeunes prometteurs, ça pourrait se produire. Puis, probablement que les Maple Leafs, au point où ils en sont là, seraient intéressés à le faire. Alors, c'est... Tantôt, ça va devenir très fatigant, le contrat de Weber sur le cap. Moi, j'ai toujours dit avantage canadien à court terme, mais avantage Nashville à long terme. Sauf que là, je me rends compte que je m'y suis trompé. Mais puis plus ça va aller, plus ça va être fatigant sur le cap salarial. Hey, Marc, nouvelle qui vient de tomber. Naïa Yakupov qui retourne en Russie. C'est un des pires premiers choix de l'histoire de la nationale, hein? Un des pires, hein? Non, pas des pires dans le sens que... Patrick Stéphane, oui, c'est sûr et certain qu'il a joué en dessous vraiment des attentes, là. Moi, j'en ai vu dans mon temps, là, des Brian Lawton, ouais, de ce monde, là, qui avait sorti premier au Minnesota, qui c'était un flop total. C'est décevant, mais le gars avait le talent. Il a mal exploité son talent. Il manquait l'étincelle là, pour l'amener à un autre niveau. Mais tu sais, c'est toujours un risque, hein? Ouais. Le repêchage, Danny, là, c'est une boule de cristal. Ouais. C'est une boule de cristal. Puis c'est là que tu vois qu'à 17 ans, un jeune, on peut pas le savoir encore parce qu'il n'a pas encore atteint sa maturité, son plein potentiel. Moi, là, je serais le premier à faire un repêchage à 19 ans. Là, une fois que les jeunes finiraient leur stage junior, au pire, un an de plus, ça ferait déjà une différence. Si on faisait le repêchage justement à 18 ans, après leur année de 18 ans, ça serait déjà moins pire. Mais à leur première année dans le junior, souvent pour ces jeunes-là, c'est tellement une grosse boule de cristal que c'est là que tu risques souvent de te tromper. Oui. Marc, un gros merci. On se reparle à l'automne. Bonne saison d'été, bon golf. Puis on se reparle à l'automne. Puis je vais te rappeler s'il se passe de quoi de très gros. Parce que Max Pacioretty, c'est pas réglé encore. Hein. J'ai l'impression qu'il est pas sûr qu'il va être à Montréal. Par contre, les Canadiens, avec ce qui s'est passé, tout le monde sait qu'il est à échanger. Donc, je suis pas sûr qu'il va en avoir beaucoup. Donc, ça peut arriver, je te rappelle, durant l'été. Ça va faire plaisir, Danny. Bon été. Notre collaborateur de hockey, Marc